Le Lys dans la vallée, chapitre 14. Un mois environ après mon arrivée, un matin, en sortant de déjeuner, la comtesse me prit le bras, se sauva par une porte à claire-voie qui donnait dans le verger et m'entraîna vivement dans les vignes. « Oh, il me tuera !» dit-elle. « Cependant, je veux vivre, ne fût-ce que pour mes enfants. Comment pas un jour de relâche ? Toujours marcher dans les broussailles, manquer de tomber à tout moment et à tout moment rassembler ses forces pour garder son équilibre. Aucune créature ne saurait suffire à de telles dépenses d'énergie. Si je connaissais bien le terrain sur lequel doivent porter mes efforts, si ma résistance était déterminée, l'âme s'y plierait. Mais non, chaque jour l'attaque change de caractère et me surprend sans défense. Ma douleur n'est pas une, elle est multiple. Félix, Félix, vous ne sauriez imaginer quelle forme odieuse a pris sa tyrannie et quelles sauvages exigences lui ont cogéré ses livres de médecine. Oh, mon ami, dit-elle en appuyant sa tête sur mes épaules sans achever sa confidence. Que devenir? Que faire? Reprit-elle en se débattant contre les pensées qu'elle n'avait pas exprimée. « Comment résister ? Il me tuera ? Non, je me tuerai moi-même, et c'est un crime cependant. M'enfuir, et mes enfants, me séparer. Mais comment, après 15 ans de mariage, dire à mon père que je ne puis demeurer avec Monsieur de Mortsauf, quand si mon père ou ma mère viennent, il sera posé, sage, poli, spirituel. D'ailleurs, les femmes mariées ont-elles des pères, ont-elles des mères? Elles appartiennent corps et bien à leur mari. Je vivais tranquille, sinon heureuse. Je puisais quelque force dans ma chaste solitude, je l'avoue. Mais si je suis privée de ce bonheur négatif, je deviendrai folle aussi, moi. Ma résistance est fondée sur de puissantes raisons qui ne me sont pas personnelles. N'est-ce pas un crime que de donner le jour à de pauvres créatures condamnées par avance à de perpétuelles douleurs? Cependant, ma conduite soulève de si graves questions que je ne puis les décider seule. Je suis jugée partie. J'irai demain à Tours consulter l'abbé Birotteau, mon nouveau directeur, car mon cher et vertueux abbé de la Berge est mort, dit-elle en s'interrompant. Quoiqu'il fût sévère, sa force apostolique me manquera toujours. Son successeur est un ange de douceur qui s'attendrit au lieu de réprimander. Néanmoins, au cœur de la religion, quel courage ne se retremperait? Quelle raison ne s'affirmerait à la voix de l'Esprit-Saint? Mon Dieu, reprit-elle en séchant ses larmes et levant les yeux au ciel, de quoi me punissez-vous? Mais il faut le croire, dit-elle en appuyant ses doigts sur mon bras. « Oui, croyons-le, Félix, nous devons passer par un creuset rouge avant d'arriver sain et parfait dans les sphères supérieures. Dois-je me taire? Me défendez-vous, mon Dieu, de crier dans le sein d'un ami? L'aimais-je trop ?» Elle me pressa sur son cœur comme si elle eût craint de me perdre. « Qui me résoudra ces doutes? Ma conscience ne me reproche rien. Les étoiles rayonnent d'en haut sur les hommes. » Pourquoi l'âme, cette étoile humaine, n'envelopperait-elle pas de ses feux un ami quand on ne laisse aller à lui que de pures pensées? J'écoutais cette horrible clameur en silence, tenant la main moite de cette femme dans la mienne, plus moite encore. Je la serrais avec une force à laquelle Henriette répondait par une force égale. « Vous êtes donc par là ?» cria le comte qui venait à nous la tête nue. Depuis mon retour, il voulait obstinément se mêler à nos entretiens, soit qu'il en espérât quelque amusement, soit qu'il crût que la comtesse me contait ses douleurs et se plaignait dans mon sein, soit encore qu'il fût jaloux d'un plaisir qu'il ne partageait point. « Comme il me suit !» dit-elle avec l'accent du désespoir. « Allons voir les clos, nous l'éviterons. Baissons-nous le long des haies pour qu'ils ne nous aperçoivent pas. » Nous nous fîmes un rempart d'une haie touffue, nous gagnâmes les clos en courant, et nous nous trouvâmes bientôt loin du comte, dans une allée d'amandiers. « Chère Henriette, lui dis-je alors en serrant son bras contre mon cœur et m'arrêtant pour la contempler dans sa douleur. Vous m'avez naguère dirigé savamment à travers les voies périlleuses du grand monde. Permettez-moi de vous donner quelques instructions pour vous aider à finir le duel sans témoin dans lequel vous succomberiez infailliblement, car vous ne vous battez point avec des armes égales. Ne luttez pas plus longtemps contre un fou. Chut, dit-elle en réprimant des larmes qui roulèrent dans ses yeux. Écoutez-moi, cher. Après une heure de ces conversations que je suis obligée de subir par amour pour vous, souvent ma pensée est pervertie, ma tête est lourde. Le comte me fait douter de mon intelligence. Les mêmes idées répétées se gravent malgré moi dans mon cerveau. Les monomanies bien caractérisées ne sont pas contagieuses. Mais quand la folie réside dans la manière d'envisager les choses et qu'elle se cache sous des discussions constantes, elle peut causer des ravages sur ceux qui vivent auprès d'elle. Votre patience est sublime, mais ne vous mène-t-elle pas à l'abrutissement? Ainsi pour vous, pour vos enfants, changez de système avec le comte. Votre adorable complaisance a développé son égoïsme. Vous l'avez traité comme une mère traite un enfant qu'elle gâte. Mais aujourd'hui, si vous voulez vivre, et, dis-je en la regardant, vous le voulez, déployez l'empire que vous avez sur lui. Vous le savez, il vous aime et vous craint. Faites-vous craindre davantage. Opposez à ses volontés diffuses une volonté rectiligne. Étendez votre pouvoir comme il a su étendre, lui, les concessions que vous lui avez faites et renfermez sa maladie dans une sphère morale comme renferment les fous dans une loge. « Cher enfant, me dit-elle en souriant avec amertume, une femme sans cœur peut seule jouer ce rôle. Je suis mère, je serai un mauvais bourreau. Oui, je sais souffrir, mais faire souffrir les autres, jamais. » dit-elle, pas même pour obtenir un résultat honorable ou grand. D'ailleurs, ne devrais-je pas faire mentir mon cœur, déguiser ma voix, armer mon front, corrompre mon geste? Ne me demandez pas de tels mensonges. Je puis me placer entre Monsieur de Mortsauf et ses enfants. Je recevrai ses coups pour qu'il n'atteigne ici personne. Voilà tout ce que je puis pour concilier tant d'intérêts contraires. Laisse-moi t'adorer, sainte, trois fois sainte, dis-je en me mettant un genou en terre, en baisant sa robe et y essuyant des pleurs qui me vinrent aux yeux. Mais s'il vous tue, lui dis-je. Elle pâlit et répondit en levant les yeux au ciel, la volonté de Dieu sera faite. Savez-vous ce que le roi disait à votre père à propos de vous? Ce diable de Mortsauf vit donc toujours? « Ce qui est une plaisanterie dans la bouche du roi, répondit-elle, est un crime ici. » Malgré nos précautions, le comte nous avait suivis à la piste. Il nous atteignit tout en sueur sous un noyer où la comtesse s'était arrêtée pour me dire cette parole grave. En le voyant, je me mis à parler vendange. Eut-il d'injustes soupçons? Je ne sais. Mais il resta sans mot dire à nous examiner, sans prendre garde à la fraîcheur que distillent les noyers. Après un moment employé par quelques paroles insignifiantes, entrecoupées de pauses très significatives, le comte dit avoir mal au cœur et à la tête. Il se plaignit doucement, sans quêter notre pitié, sans nous peindre ses douleurs par des images exagérées. Nous y fîmes aucune attention. En rentrant, il se sentit plus mal encore, parla de se mettre au lit, et s'y mit sans cérémonie, avec un naturel qui ne lui était pas ordinaire. Nous profitâmes de l'armistice que nous donnait son humeur hypochondriaque et nous descendîmes à notre chère terrasse accompagnée de Madeleine. « Allons nous promener sur l'eau, » dit la comtesse après quelques tours. « Nous irons assister à la pêche que le garde fait pour nous aujourd'hui. » Nous sortons par la petite porte, nous gagnons la toue, nous y sautons, et nous voilà remontant l'Indre avec lenteur. Comme trois enfants amusés à des riens, nous regardions les herbes des bords, les demoiselles bleues ouvertes, et la comtesse s'étonnait de pouvoir goûter de si tranquilles plaisirs au milieu de ses poignants chagrins. Mais le calme de la nature, qui marche insouciante de nos luttes, N'exerce-t-il pas sur nous un charme consolateur? L'agitation d'un amour plein de désirs contenus s'harmonise à celle de l'eau. Les fleurs que la main de l'homme n'a point perverties expriment les rêves les plus secrets. Le voluptueux balancement d'une barque imite vaguement les pensées qui flottent dans l'âme. Nous éprouvâmes l'engourdissante influence de cette double poésie. Les paroles, montées au diapason de la nature, déployèrent une grâce mystérieuse, et les regards eurent de plus éclatants rayons en participant à la lumière si largement versée par le soleil dans la prairie flamboyante. La rivière fut comme un sentier sur lequel nous volions. Enfin, n'étant pas divertis par le mouvement qu'exige la marche à pied, notre esprit s'empara de la création. La joie tumultueuse d'une petite fille en liberté, si gracieuse dans ses gestes, si agaçante dans ses propos, n'était-elle pas aussi la vivante expression de deux âmes libres qui se plaisaient à former idéalement cette merveilleuse créature rêvée par Platon, connue de tous ceux dont la jeunesse fut remplie par un heureux amour. Pour vous peindre cette heure, non dans ses détails indescriptibles, mais dans son ensemble, je vous dirais que nous nous aimions en tous les êtres, en toutes les choses qui nous entouraient. Nous sentions hors de nous le bonheur que chacun de nous souhaitait. Il nous pénétrait si vivement que la comtesse ôta ses gants et laissa tomber ses belles mains dans l'eau comme pour rafraîchir une secrète ardeur. Ses yeux parlaient, mais sa bouche qui s'entrouvait comme une rose à l'air se serait fermée à un désir. Connaissez la mélodie des sons graves, parfaitement unis au son élevé. Elle m'a toujours rappelé la mélodie de nos deux âmes en ce moment, qui ne se retrouva plus jamais. « Où faites-vous pêcher ?» lui dis-je. « Si vous ne pouvez pêcher que sur les rives qui sont à vous ?»« Près du pont de Ruan, » me dit-elle. « Ah, nous avons maintenant la rivière à nous depuis le pont de Ruan jusqu'à Clochegourde. » Monsieur de Morceau vient d'acheter 40 arpents de prairie avec les économies de ces deux années et l'arriéré de sa pension. Cela vous étonne ? Moi, je voudrais que toute la vallée fût à vous, m'écriai-je. Elle me répondit par un sourire. Nous arrivâmes au-dessus du pont de Ruan, à un endroit où l'Ingre est large et où l'on pêchait. Eh bien, Martineau, dit-elle. Ah, madame la comtesse, nous avons du guignon. Depuis 3 heures que nous y sommes, en remontant du moulin ici, nous n'avons rien pris. Nous abordâmes afin d'assister au dernier coup de filet et nous nous plaçâmes tous trois à l'ombre d'un bouillard, espèce de peuplier dont l'écorce est blanche, qui se trouve sur le Danube, sur la Loire, probablement sur tous les grands fleuves, et qui jette au printemps un coton blanc soyeux, l'enveloppe de sa fleur. La comtesse avait repris son auguste sérénité. Elle se repentait presque de m'avoir dévoilé ses douleurs et d'avoir crié comme Job, au lieu de pleurer comme la Madeleine, une Madeleine sans amour, ni fête, ni dissipation, mais non sans parfum ni beauté. La Seine ramenée à ses pieds fut pleine de poissons, des tanches, des barbillons, des brochets, des perches et une énorme carpe sautillant sur l'herbe. « C'est un fait exprès !» dit le garde. Les ouvriers écarquillaient les yeux en admirant cette femme qui ressemblait à une fée dont la baguette aurait touché les filets. En ce moment, le piqueur parut, chevauchant à travers la prairie au grand galop et lui causant d'horribles tressaillements. Nous n'avions pas Jacques avec nous, et la première pensée des mères est, comme l'a si poétiquement dit Virgile, de serrer leurs enfants sur leurs seins au moindre événement. « Jacques ! Cria-t-elle. « Où est Jacques ? Qu'est-il arrivé à mon fils ?» Elle ne m'aimait pas. Si elle m'avait aimé, elle aurait eu pour mes souffrances cette expression de lionne au désespoir. « Madame la comtesse, monsieur le comte se trouve plus mal. » Elle respira, courut avec moi, suivie de Madeleine. « Revenez lentement, me dit-elle, que cette chère fille ne s'échauffe pas. Vous le voyez ? La course de monsieur de Morceauf par ce temps si chaud l'avait mise en sueur et sa station sous le noyer a pu devenir la cause du malheur. Ce mot, dit au milieu de son trouble, accusait la pureté de son âme. la mort du comte, un malheur. Elle gagna rapidement Clochegourde, passa par la brèche d'un mur et traversa les clos. Je revins lentement, en effet. L'expression d'Henriette m'avait éclairée, mais comme éclaire la foudre qui ruine les moissons engrangées. Durant cette promenade sur l'eau, je m'étais cru le préféré. Je sentis amèrement qu'elle était de bonne foi dans ses paroles. L'amant qui n'est pas tout n'est rien. J'aimais donc seul, avec les désirs d'un amour qui sait tout ce qu'il veut, qui se repaît par avance de caresses espérées et se contente des voluptés de l'âme parce qu'il y mêle celles que lui réserve l'avenir. Si Henriette aimait, elle ne connaissait rien ni des plaisirs de l'amour ni de ses tempêtes. Elle vivait du sentiment même, comme une sainte avec Dieu. J'étais l'objet auquel s'étaient rattachées ses pensées et ses sensations méconnues, comme un essaim s'attache à quelques branches d'arbres fleuris. Mais je n'étais pas le principe. J'étais un accident de sa vie, je n'étais pas toute sa vie. Roi détrôné, j'allais me demandant qui pouvait me rendre mon royaume. Dans ma folle jalousie, je me reprochais de n'avoir rien osé, de n'avoir pas resserré les liens d'une tendresse qui me semblait alors plus subtile que vraie par les chaînes du droit positif que crée la possession. L'indisposition du comte, déterminée peut-être par le froid du noyer, devint grave en quelques heures. J'allais quérir à Tours un médecin renommé, M. Origet, que je ne pus ramener que dans la soirée. Mais il resta pendant toute la nuit et le lendemain à Clochegourde. Quoiqu'il eût envoyé chercher une grande quantité de sangsues par le piqueur, il jugea qu'une saignée était urgente et n'avait point de lancette sur lui. Aussitôt, je courus à Azay par un temps affreux. Je réveillai le chirurgien, M. Deslandes, et le contraignis à venir avec une célérité d'oiseau. 10 minutes plus tard, le comte eut succombé. La saignée le sauva. Malgré ce premier succès, le médecin pronostiquait la fièvre inflammatoire la plus pernicieuse, une de ces maladies comme en font les gens qui se sont bien portés pendant 20 ans. La comtesse, atterrée, croyait être la cause de cette fatale crise. Sans force pour me remercier de mes soins, elle se contentait de me jeter quelques sourires dont l'expression équivalait au baiser qu'elle avait mis sur ma main. J'aurais voulu y lire les remords d'un illicite amour, mais c'était l'acte de contrition d'un repentir qui faisait mal à voir dans une âme si pure. C'était l'expansion d'une admirative tendresse pour celui qu'elle regardait comme noble, en s'accusant elle seule d'un crime imaginaire. Certes, elle aimait comme Laure de Noves aimait Pétrarque, et non comme Francesca da Rimini aimait Paolo. Affreuse découverte pour qui rêvait l'union de ces deux sortes d'amour. La comtesse gisait, le corps affaissé, les bras pendants, sur un fauteuil sale dans cette chambre qui ressemblait à la bouge d'un sanglier. Le lendemain soir, avant de partir, le médecin dit à la comtesse qui avait passé la nuit de prendre une garde. La maladie devait être longue. « Une garde ? » répondit-elle. « Non, non, nous le soignerons !» s'écria-t-elle en me regardant. « Nous nous devons de le sauver !» À ce cri, le médecin nous jeta un coup d'œil observateur, plein d'étonnement. L'expression de cette parole était de nature à lui faire soupçonner quelque forfait manqué. Il promit de revenir 2 fois par semaine, indiqua la marche à tenir à M. Deslandes et désigna les symptômes menaçants qui pouvaient exiger qu'on vînt le chercher à Tours. Afin de procurer à la comtesse au moins une nuit de sommeil sur 2, je lui demandai de me laisser veiller le comte alternativement avec elle. Ainsi, je la décidai, non sans peine, à s'aller coucher la 3e nuit. Quand tout reposa dans la maison, pendant un moment où le comte s'assoupit, j'entendis chez Henriette un douloureux gémissement. Mon inquiétude devint si vive que j'allais la trouver. Elle était à genoux devant son prie-Dieu, fondant en larmes et s'accusait. « Mon Dieu, si tel est le prix d'un murmure, criait-elle, je ne plaindrai jamais. Vous l'avez quitté, dit-elle en me voyant. Je vous entendais pleurer et gémir, j'ai eu peur pour vous. Oh, moi, dit-elle, je me porte bien. Elle voulut être certaine que monsieur de Mortsauf dormît. Nous descendîmes tous deux et tous deux, à la clarté d'une lampe, nous le regardâmes. Le comte était plus affaibli par la perte du sang tiré à flot qu'il n'était endormi. Ses mains agitées cherchaient à ramener sa couverture sur lui. « On prétend que c'est des gestes de mourant, » dit-elle. « Ah, s'il mourait de cette maladie que nous avons causée, je ne me marierai jamais, je le jure !» ajouta-t-elle en étendant la main sur la tête du comte par un geste solennel. « J'ai tout fait pour le sauver, lui dis-je. « Oh, vous, vous êtes bon, dit-elle, mais moi, je suis la grande coupable. » Elle se pencha sur ce front décomposé en balayant la sueur avec ses cheveux et la baisa saintement. Mais je ne vis pas avec une joie secrète qu'elle s'acquittait de cette caresse comme d'une expiation. « Blanche, à boire !» dit le comte d'une voix éteinte. « Vous voyez, il ne connaît que moi !» me dit-elle en lui apportant un verre. Et par son accent, par ses manières affectueuses, elle cherchait à insulter aux sentiments qui nous liaient en les immolant aux malades. « Henriette, lui dis-je, allez prendre quelque repos, je vous en supplie. »« Plus d'Henriette, dit-elle en m'interrompant avec une impérieuse précipitation. Couchez-vous afin de ne pas tomber malade. Vos enfants, lui-même, vous ordonnent de vous soigner. Il est des cas où l'égoïsme devient une sublime vertu. »« Oui, dit-elle. » Elle s'en alla en me recommandant son mari, par des gestes qui eussent accusé quelque prochain délire s'il n'avait pas eu les grâces de l'enfance mêlées à la force suppliante du repentir. Cette scène, terrible en la mesurant à l'état habituel de cette âme pure, m'effraya. Je craignis l'exaltation de sa conscience. Quand le médecin revint, je lui révélai les scrupules d'Hermine effarouchée qui poignaient ma blanche Henriette. Quoique discrète, cette confidence dissipa les soupçons de M. Origet et il calma les agitations de cette belle âme en disant qu'en tout état de cause, le comte devait subir cette crise et que sa station sous le noyer avait été plus utile que nuisible en déterminant la maladie. Pendant 52 jours, le comte fut entre la vie et la mort. Nous veillâmes chacun à notre tour, Henriette et moi, 26 nuits. Certes, M. de Mortsauf dut son salut à nos soins, à la scrupuleuse exactitude avec laquelle nous exécutions les ordres de M. Origet. Semblable au médecin philosophe que de sagaces observations autorise à douter des belles actions quand elles ne sont que le secret accomplissement d'un devoir, cet homme, tout en assistant au combat d'héroïsme qui se passait entre la comtesse et moi, ne pouvait s'empêcher de nous épier par des regards inquisitifs, tant il avait peur de se tromper dans son admiration. « Dans une semblable maladie, me dit-il, lors de sa troisième visite, la mort rencontre un prompt auxiliaire dans le moral quand il se trouve aussi gravement altéré que l'est celui du comte. Le médecin, la garde, les gens qui entourent le malade tiennent sa vie entre leurs mains, car alors, un seul mot, une crainte vive exprimée par un geste ont la puissance du poison. En me parlant ainsi, Origet étudiait mon visage et ma contenance, mais il vit dans mes yeux la claire expression d'une âme candide. En effet, durant le cours de cette cruelle maladie, il ne se forma pas dans mon intelligence la plus légère de ces mauvaises idées qui parfois sillonnent les consciences les plus innocentes. Pour qui contemple en grand la nature, tout y tend à l'unité par l'assimilation. Le monde moral doit être régi par un principe analogue. Dans une sphère pure, tout est pur. Près d'Henriette, il se respirait un parfum du ciel. Il semblait qu'un désir reprochable devait à jamais vous éloigner d'elle. Ainsi, non seulement elle était le bonheur, mais elle était aussi la vertu. En nous trouvant toujours également attentifs et soigneux, le docteur avait je ne sais quoi de pieux et d'attendri dans les paroles et dans les manières. Il semblait se dire « Voilà les vrais malades, ils cachent leurs blessures et l'oubli. Par un contraste qui, selon cet excellent homme, était assez ordinaire chez les hommes ainsi détruits, Monsieur de Morceau fut patient, plein d'obéissance, ne se plaignit jamais et montra la plus merveilleuse docilité. Lui qui, bien portant, ne faisait pas la chose la plus simple sans 1000 observations. Le secret de cette soumission à la médecine, tant niée naguère, était une secrète peur de la mort, autre contraste chez un homme d'une bravoure irrécusable. Cette peur pourrait assez bien expliquer plusieurs bizarreries du nouveau caractère que lui avaient prêté ses malheurs. Vous l'avouerai-je, Nathalie, et le croirez-vous? Ces 50 jours et le mois qui les suivit furent les plus beaux moments de ma vie. L'amour n'est-il pas dans les espaces infinis de l'âme, comme est dans une belle vallée le grand fleuve où se rendent les puits, les ruisseaux et les torrents, où tombent les arbres et les fleurs, les graviers du bord et les plus élevés quartiers du roc? Il s'agrandit aussi bien par les orages que par le lent tribut des claires fontaines. Oui, quand on aime, tout arrive à l'amour. Les premiers grands dangers passés, la comtesse et moi nous habituâmes à la maladie. Malgré le désordre incessant introduit par les soins qu'exigeait le comte, sa chambre que nous avions trouvée si mal tenue devint propre et coquette. Bientôt nous y fûmes comme deux êtres échoués dans une île déserte, car non seulement les malheurs isolent, mais encore ils font taire les mesquines conventions de la société. Puis l'intérêt du malade nous obligea d'avoir des points de contact qu'aucun autre événement n'aurait autorisés. Combien de fois nos mains, si timides auparavant, ne se rencontraient-elles pas en rendant quelques services au comte? N'avais-je pas à soutenir, à aider Henriette? Souvent, emportée par une nécessité comparable à celle du soldat en vedette, elle oubliait de manger. Je lui servis alors, quelquefois sur ses genoux, un repas pris en hâte et qui nécessitait 1000 petits soins. Ce fut une scène d'enfance à côté d'une tombe entr'ouverte. Elle me commandait vivement les apprêts qui pouvaient éviter quelques souffrances au comte et m'employait à 1000 menus ouvrages. Pendant le premier temps où l'intensité du danger étouffait, comme durant une bataille, les subtiles distinctions qui caractérisent les faits de la vie ordinaire, elle dépouilla nécessairement ce décorum que toute femme, même la plus naturelle, garde en ses paroles, dans ses regards, dans son maintien, quand elle est en présence du monde ou de sa famille et qui n'est plus de mise en déshabillé. Ne venait-elle pas me relever au premier chant de l'oiseau, dans ses vêtements du matin, qui me permirent de revoir parfois les éblouissants trésors que dans mes folles espérances je considérais comme miens? Tout en restant imposante et fière, pouvait-elle ainsi ne pas être familière? D'ailleurs, pendant les premiers jours, le danger ôta si bien toute signification passionnée aux privautés de notre intime union qu'elle n'y vit point de mal. Puis, quand vint la réflexion, elle songea peut-être que ce serait une insulte pour elle comme pour moi que de changer ses manières. Nous nous trouvâmes insensiblement apprivoisés, mariés à demi. Elle se montra bien noblement confiante, sûre de moi comme d'elle-même. J'entrai donc plus avant dans son cœur. La comtesse redevint mon Henriette, Henriette contrainte d'aimer davantage celui qui s'efforçait d'être sa seconde âme. Bientôt, je n'attendis plus sa main, toujours irrésistiblement abandonnée au moindre coup d'œil solliciteur. Je pouvais, sans qu'elle se dérobât à ma vue, suivre avec ivresse les lignes de ses belles formes durant les longues heures pendant lesquelles nous écoutions le sommeil du malade. Les chétives voluptés que nous nous accordions, ses regards attendris, ses paroles prononcées à voix basse pour ne pas éveiller le comte, les craintes, les espérances dites et redites, enfin les 1000 événements de cette fusion complète de deux cœurs longtemps séparés, se détachaient vivement sur les ombres douloureuses de la scène actuelle. Nous connûmes nos âmes à fond dans cette épreuve à laquelle succombent souvent les affections les plus vives qui ne résistent pas au laisser-aller de toutes les heures, qui se détachent en éprouvant cette cohésion constante où l'on trouve la vie ou lourde ou légère à porter. Vous savez quel ravage fait la maladie d'un maître Quelle interruption dans les affaires, le temps manque pour tout. La vie embarrassée chez lui dérange les mouvements de sa maison et ceux de sa famille. Quoique tout tombât sur Madame de Mortsauf, le comte était encore utile au dehors. Il allait parler aux fermiers, se rendait chez les gens d'affaires, recevait les fonds. Si elle était l'âme, il était le corps. Je me fis son intendant pour qu'elle pût soigner le comte sans rien laisser péricléter au dehors. Elle accepta tout sans façon, sans un remerciement. Ce fut une douce communauté de plus que ses soins de maison partagés, que ses ordres transmis en son nom. Je m'entretenais souvent le soir avec elle dans sa chambre de ses intérêts et de ses enfants. Ces causeries donnèrent un semblant de plus à notre mariage éphémère. Avec quelle joie Henriette se prêtait à me laisser jouer le rôle de son mari, à me faire occuper sa place à table, à m'envoyer parler aux gardes, et tout cela dans une complète innocence, mais non sans cet intime plaisir qu'éprouve la plus vertueuse femme du monde à trouver un biais où se réunissent la stricte observation des lois et le contentement de ses désirs inavoués. Annulé par la maladie, le comte ne pesait plus sur sa femme, ni sur sa maison. Et alors la comtesse fut elle-même. Elle eut le droit de s'occuper de moi, de me rendre l'objet d'une foule de soins. Quelle joie quand je découvris en elle la pensée vaguement conçue peut-être, mais délicieusement exprimée, de me révéler tout le prix de sa personne et de ses qualités, de me faire apercevoir le changement qui s'opérait en elle si elle était comprise. Cette fleur, incessamment fermée dans la froide atmosphère de son ménage, s'épanouit à mes regards et pour moi seule. Elle prit autant de joie à se déployer que j'en sentis en y jetant l'œil curieux de l'amour. Elle me prouvait par tous les riens de la vie combien j'étais présent à sa pensée. Le jour où, après avoir passé la nuit au chevet du malade, je dormais tard, Henriette se levait le matin avant tout le monde. Elle faisait régner autour de moi le plus absolu silence. Sans être avertie, Jacques et Madeleine jouaient au loin. Elle usait de mille supercheries pour conquérir le droit de mettre elle-même mon couvert. Enfin, elle me servait, avec quel pétillement de joie dans les mouvements, avec quelle fausse finesse d'hirondelle, quel vermillon sur les joues, quel tremblement dans la voix, quelle pénétration de lynx. Ces expansions de l'âme se peignent-elles? Souvent, elle était accablée de fatigue. Mais si par hasard, en ces moments de lassitude, il s'agissait de moi, pour moi comme pour ses enfants, elle trouvait de nouvelles forces. Elle s'élançait, agile, vive et joyeuse. Comme elle aimait à jeter sa tendresse en rayons dans l'air. Ah, Nathalie, oui, certaines femmes partagent d'ici-bas les privilèges des esprits angéliques et répandent comme eux cette lumière que Saint-Martin, le philosophe inconnu, disait être intelligente, mélodieuse et parfumée. Sûre de ma discrétion, Henriette se plut à me relever le pesant rideau qui nous cachait l'avenir en me laissant voir en elle deux femmes. La femme enchaînée qui m'avait séduit malgré ses rudesses et la femme libre dont la douceur devait éterniser mon amour. Quelle différence! Madame de Mortsauf était le Bengali transporté dans la froide Europe, tristement posé sur son bâton, muet et mourant dans sa cage où le garde un naturaliste. Henriette était l'oiseau chantant ses poèmes orientaux dans son bocage au bord du Gange et comme une pierrerie vivante, volant de branche en branche, parmi les broses d'un immense vocameria toujours fleuri. Sa beauté se fit plus belle, son esprit se raviva. Ce continuel fou de joie était un secret entre nos deux esprits, car l'œil de l'abbé de Dominis, ce représentant du monde, était plus redoutable pour Henriette que celui de Monsieur de Mortsauf. Mais elle prenait, comme moi, grand plaisir à donner à sa pensée des tours ingénieux. Elle cachait son contentement sous la plaisanterie et couvrait d'ailleurs les témoignages de sa tendresse du brillant pavillon de la reconnaissance. « Nous avons mis votre amitié à de rudes épreuves, Félix. Nous pouvons bien lui permettre les licences que nous permettons à Jacques, monsieur l'abbé, » disait-elle à table. Le sévère abbé répondait par l'aimable sourire de l'homme pieux qui lit dans les cœurs et les trouve purs. Il exprimait d'ailleurs pour la comtesse le respect mélangé d'adoration qu'inspirent les anges. Deux fois en ces 50 jours, la comtesse s'avança peut-être au-delà des bornes dans lesquelles se renfermait notre affection. Mais encore, ces deux événements furent-ils enveloppés d'un voile qui ne se leva qu'au jour des aveux suprêmes. Un matin, dans les premiers jours de la maladie du comte, au moment où elle se repentit de m'avoir traité si sévèrement, en me retirant les innocents privilèges accordés à ma chaste tendresse, je l'attendais, elle devait me remplacer. Trop fatiguée, je m'étais endormie, la tête appuyée sur la muraille. Je me réveillais soudain en me sentant le front touché par je ne sais quoi de frais qui me donna une sensation comparable à celle d'une rose qu'on y eût appuyée. Je vis la comtesse à 3 pas de moi qui me dit « J'arrive ». Je m'en allais, mais en lui souhaitant le bonjour, je lui pris la main et la sentis humide et tremblante. « Souffrez-vous ? » lui dis-je. « Pourquoi me faites-vous cette question ? » me demanda-t-elle. Je la regardais, rougissant, confus. « J'ai rêvé, » dis-je.